Alors, souvent on dit bienvenue. Bienvenue à vous. Bref. Alors, je vais vous parler vite fait du Minitel. Alors, le Minitel, même moi, je ne l'ai pas connu. Je vais vous le dire franchement. Je sais pas trop. Il y avait un clavier, un écran, tout était en bloc. Enfin, bref, un truc, on dirait une grosse boîte en carton. Enfin. C'est du carton, ouais. Ça a été aussi vite arrivé, aussi vite reparti. Hein. Franchement. Alors, tandis que j'écoutais des vieilles vidéos de Minitel qui annonçaient des millions d'utilisateurs dans toute la France avec les terminales de France Télécom, des millions d'applications disponibles avec une facilité où un vieux de 99 ans, t'appuies sur le bouton et lui il navigue et il comprend ce qui se passe. Alors qu'avec Internet, le vieux, eh ben, il comprend pas, tout simplement. Il sait pas se servir de ces outils, tout simplement. C'est tellement compliqué que pour arrêter l'ordinateur, il faut cliquer sur démarrer et puis arrêter. Alors, le vieux, qu'est-ce que tu veux qu'il comprenne quelque chose? Ah, la logique, elle n'y est pas là. On peut parler de par la fenêtre, Windows, la fenêtre. Il y a un courant d'air là quelque part qui s'est créé. Enfin, voilà. Donc juste je voulais dire que je suis un peu déçu parce que peut-être avec, en France en tout cas on aurait pu avoir un internet à nous quoi, quelque part. Bref, en tout cas c'est bien parti de chez nous, ça c'est sûr. Alors je vais faire un topo vite fait, vas-y fais-ci fais ça, sur les études, sur les métiers, sur l'ambition des élèves qui sont à l'école, ceux qui poussent les études le plus loin possible, car ils savent qu'à la clé, eh bien, voilà, ils auront la clé. Et ceux qui ne foutent rien, qui s'en foutent, que ça ne marche plus aujourd'hui, que c'est plus comme ça, c'est plus comme avant, c'est plus autodidacte, c'est fini, ça n'existe plus tout ça. Il faut que vous le sachiez. L'autodidacte est barré. Celui-là qui fait un an d'études, qui a le diplôme à la clé, eh bien, tu prends à côté l'autodidacte, en 10 ans, eh bien, il sera à ton stade, quoi. Donc, l'autodidacte, c'est fini. Ça n'existe plus. On ne sait pas faire en France, c'est tout. Tu prends un élève, tu prends un deuxième élève. Eh bien, ça fait deux élèves, tout simplement. Mais, qui entre ces deux élèves ira le plus loin? Qui aura envie d'étudier? Qui sera motivé? Mais c'est pas croyable. Personne ne pousse les études car personne ne s'intéresse aux études. C'est incroyable. Tu veux être docteur, tu fais 6 ans d'études, t'es docteur, et ben voilà, c'est bon, tu peux aller travailler où tu veux en France, t'as du boulot. Tu veux être programmateur, t'es programmateur informatique, ce que tu veux, c'est Java, la Java de Noël, et ben c'est bon, t'es embauché. Mais, je vais être désolé de dire ça, mais celui-là qui n'a pas fait d'études, eh ben, il n'aura rien. Aujourd'hui, c'est fini. Balayer la côte ouest en Bretagne, là-bas, à l'est, c'est bon. Enfin, donc, pourquoi dans les informations, ils disent il y a du travail et on recrute ailleurs? Ben, parce que ailleurs, ils ont fait des études et ils viennent, s'ils veulent venir en France, profiter de tous les avantages, et bien ils viennent. Par contre, nous, les mauvais élèves, et bien ils vont pas aller. Si, ils vont se plier un voyage, mais c'est. Tu pars demain, tu reviens après-demain.